Chapitre 3e, Penny et Bunch. Le ministre des Affaires étrangères de l'Empire britannique avait fixé à 4 heures exactement l'audience qu'il accordait à M. Simonet, venant officieusement le voir. Le jeune chef de cabinet du ministre des Affaires étrangères du gouvernement français avait pris à 1 heure son lunch avec la Rochardy. Il devait retrouver au Foreign Office seulement leur ami Montgomery, détenteur gardien des précieux documents. À table, les deux amis s'étaient attardés en fumant des cigares et en parlant, selon les recommandations de Paulin Broquet, de toute autre chose que des affaires qui les préoccupaient en ce moment. Car, dans les conditions où ils se trouvaient, et après les événements du Cyril Hotel, certainement dans leur entourage, il devait se trouver des oreilles qui, même en Angleterre, comprenaient admirablement le français. Puis, l'heure approchant, Simonet et la Rochardy se disposèrent à se rendre au Foreign Office. Sur le Strand, donc, ils firent signe à l'un des taxis rangés au milieu de la chaussée en bon ordre, derrière un majestueux policeman dont la manche gauche était ornée du manche oreiller blanc et gros bleu couleur du West Central. L'auto, avec ses pneus soigneusement passés au blanc, vint se ranger devant le trottoir. Au moment où Simonet donnait, en un anglais qu'il s'efforçait de rendre aussi intelligible que possible à un chauffeur londonien, l'adresse où il fallait les conduire, une vieille femme, la classique fleuriste de Londres, en chapeau canotier de paille, au fichu de laine tricotée et déchirée, à la jupe informe, vint offrir ses fleurs aux deux amis. « Penny et Bunch, » disait-elle, « Penny et Bunch. » Simonet et la Rochardy, n'ayant nullement souci de s'encombrer d'un bouquet, essayèrent d'écarter doucement la marchande de fleurs, qui insistait d'autant plus sur un ton larmoyant. Pour s'en débarrasser, pendant que Simonet entrait dans la voiture, la Rochardy donna un penny à la bouquetière, tout en refusant de prendre le bouquet. Mais la bouquetière insista encore, et voulut à toute force, après avoir, elle, encaissé l'argent, qu'il prit, lui, le bouquet payé. Elle saisit même le bras de la Rochardy, voulant lui mettre malgré lui ses fleurs dans la main. « Non, ça va bien, ma brave femme, merci, » dit le capitaine en français, « gardez votre bouquet. » Et pour se dégager de l'obséquieuse vendeuse de fleurs qui ne le lâchait point, il retira sa main un peu brusquement. Aussitôt, la fleuriste mit à pousser des cris, et glissant sur le trottoir, répandit ses fleurs autour d'elle, sur la chaussée, gesticulant et hurlant. Une foule de badauds ne tarda pas à s'assembler. La Rochardy, croyant que la bonne femme était tombée, qu'elle avait pu se faire mal dans sa chute, se pencha vers elle pour la relever. La bonne femme se cramponna à sa jaquette, en hurlant de plus belle. « Cet homme m'a battue, » disait-elle, « il veut me battre encore !» La Rochardy, qui ne comprenait rien à ce que disait la fleuriste, essayait avec des mots aimables de la remettre sur pied. La foule, comme toujours, ne sachant rien de ce qui s'était passé, prenait au hasard parti pour l'un ou pour l'autre. On discutait, on piaillait, on se bousculait, si bien que la circulation fut bientôt interrompue sur le trottoir. À Paris, cette comédie aurait pu durer longtemps, n'aura peut-être jamais eu de solution, mais à Londres, deux majestueux policemen sortirent comme par enchantement du pavé. La foule respectueusement s'écarta, laissant les hommes de police remplir leur office. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda l'un d'eux. La Rochardy et son ami Simonet essayèrent d'expliquer l'affaire, mais ils parlaient en français. Le policeman ne les comprenait pas, la foule non plus, tandis que tout le monde, non sans indignation, avec fort grande surprise, comprenait ce que la bonne femme disait maintenant, avec des sanglots et des larmes, sur un ton de profond désespoir et de grande douleur. « Ce gentleman m'a frappé. Il m'a jeté par terre et il a bousculé mes fleurs. » Évidemment, au premier abord, cela paraissait incroyable de la part de Français bien élevés. Mais le peuple anglais est persuadé que les Français sont surtout des êtres impulsifs, qu'ils ne sont jamais maîtres de leurs nerfs. Chacun donc pensa ici que les gentlemen avaient pu chercher, dans un mouvement brusque, à se débarrasser un peu trop violemment de la marchande de fleurs. Ce fut aussi le sentiment des policemen. Toutefois, comme le policeman n'a pas à juger d'une affaire et qu'il la doit simplement enregistrer, ceci ne comprenant rien à la défense et aux explications des deux gentlemen français, crurent bien faire de dire pour conclure l'affaire « Allons au poste de police, où l'on s'expliquera. » L'anglais est un peuple de décisions promptes, d'exécutions rapides, alors même que ce qu'il entreprend peut, au premier abord, paraître invraisemblable. Un des policemen fit monter la Rochardy dans la voiture, à côté de son ami Simonet. Sur la banquette de devant, il fit asseoir la marchande de fleurs. Lui-même prit place dans la voiture, pendant que son collègue sautait à côté du chauffeur, auquel il dit simplement ces mots, devant lesquels tout anglais s'incline, « Scotland Yard ». et la voiture s'éloigna rapidement. La circulation se rétablit, et le peuple anglais, un moment troublé, reprit ses occupations, son calme habituel, et s'en alla à son business sans consacrer une minute de plus à cet incident. L'auto continua donc sa route, franchit le Strand, tourna Charing Cross et se dirigea vers Victoria Station. En route, Simonet et La Rochardie essayèrent de parlementer avec le policeman. La Rochardie, pensant peut-être que les mots prononcés très fort en français seraient compris plus facilement par l'anglais, donnait au policeman de telles explications que le bruit du moteur était couvert par sa voix. Il gesticulait, voulait mimer la scène. La marchande de bouquets, de son côté, continuait à hurler et à pleurer, à expliquer à sa façon au policeman l'affaire dans laquelle elle venait de jouer un rôle. Dans la voiture, impassible, le policeman, majestueux, tournait la tête et portait ses yeux calmes tantôt du côté de La Rochardie, hurlant et gesticulant, tantôt du côté de la larmoyante marchande de bouquets. Il se contentait de dire sur le même ton « Yes, yes ». La voiture, qui filait cependant à belle allure, roula longtemps. Simonet et La Rochardie, ayant parmi les explications du policeman compris ce seul mot Scotland Yard, se doutaient qu'on les menait au ministère de police et attendaient sans inquiétude le résultat de la confrontation. Du reste, ils avaient encore le temps de liquider cette affaire ridicule et ennuyeuse avant de gagner le Foreign Office. Ils ne savaient pas exactement où se trouvait Scotland Yard. Aussi ne purent-ils s'étonner de la longueur du chemin parcouru, et ce fut sans appréhension aucune qu'ils descendirent de voiture quand, enfin, l'auto s'arrêta dans une des rues les plus lointaines de Londres. La Rochardie regarda la maison devant laquelle l'auto venait de stopper. Il ne lui trouva rien de particulier, et comme dans les rues de Londres toutes les maisons se ressemblent, il ne remarqua aucun détail qui désigna particulièrement celle-ci à son attention. « Ici, police ? » demanda-t-il au policeman. « Commissariat de police ?»« Yes, » répondit simplement le placide policeman. Le collègue qui se trouvait auprès du chauffeur sauta bas de son siège. Il vint prendre la bouquetière par le coude du bras droit et fit signe aux deux gentlemen français de les suivre. Le policeman qui se trouvait dans la voiture fermait la marche. Le policeman qui tenait la bouquetière monta les 5 ou 6 marches formant le perron de la maison et donna à la porte quelques coups avec le heurtoir de cuivre. La porte s'ouvrit. Le policeman et la bouquetière rentrèrent. « Singulière maison pour Scotland Yard, » fit La Rochardie. « Ce doit être un commissariat de quartier, » répondit Simonet, qui, comme à Paris, est installé dans une maison particulière. Sans plus rien ajouter, les deux amis suivirent le policeman et la bouquetière. Ils traversèrent un couloir, passèrent par une sorte de salon ouvrant sur la droite du couloir. Ce salon était orné de meubles en acajou, de chaises et de fauteuils, d'une grande table au milieu de laquelle des liasses de papier se trouvaient amoncelées. Au mur étaient accrochées quantité de lithographies. Ils ne firent que traverser ce salon, passèrent par un second couloir plus court que le premier, au bout duquel se trouvait une porte vitrée. Cette porte vitrée donnait sur une cour. Dans la cour étaient rangées des petites voitures à bras, des triporteurs, des morceaux de papier d'emballage froissé et des papiers de rebut, tous portant des traces d'imprimerie, de larges maculatures d'encre de diverses couleurs. Ce devait être la cour d'une imprimerie quelconque. Cette cour traversée, le policeman, qui tenait toujours la bouquetière par le coude, ouvrit une porte vitrée semblable à celle qu'on avait franchie tout à l'heure, et il fit pénétrer les deux amis dans un second pavillon absolument semblable à celui qu'ils venaient de quitter. On s'engagea de nouveau dans un couloir au bout duquel se trouvait un escalier en bois, qui, tournant sur lui-même plusieurs fois, menait à 2 étages plus haut. L'escalier donnait sur une sorte d'antichambre éclairée par un vasistas. 3 portes donnaient sur cette antichambre. Le policeman qui tenait la bouquetière la fit entrer dans la chambre que fermait l'une de ces portes. Le second policeman ouvrit une autre porte et fit signe aux deux amis d'entrer par là. La pièce dans laquelle ils pénétrèrent était éclairée par une lampe électrique appliquée au plafond. C'était une pièce étroite, n'ayant pour tout meuble qu'un bureau en bois, 2 chaises, quelques cartons, bureau de secrétaire ou de commis quelconque. La Rochardie entra avec Simonet. Derrière eux, le policeman ferma la porte. Aussitôt, la lumière du plafond s'éteignit, et avant que La Rochardie et Simonet eussent pu se mettre en état de défense, ils étaient saisis, maîtrisés et solidement ligotés. Puis ils se sentirent soulevés et emportés. Par précaution, un bâillon avait été posé en même temps sur la bouche de La Rochardie, qui ne pouvait ni crier ni dire un mot. Or, cela, pour lui, constitua le dernier des supplices. Il se débattait comme un beau diable, mais les gens qui le tenaient bien, Il ne put se dégager. On les posa à terre au bout de quelques minutes de lutte, lui et Simonet, puis on les emporta. Ils ne pouvaient encore se rendre compte du lieu où ils se trouvaient, car on les avait portés dans une pièce aussi sombre que celle où l'on s'était emparé d'eux. Pendant quelques instants, un silence profond régna que de temps en temps seulement coupait des rugissements étouffés de la Rochardie. Puis, un coup sourd, comme celui que rend un gong frappé par un marteau, retentit, et la salle tout à coup fut inondée de lumière électrique. C'était une vaste pièce, qui, comme la cour traversée tout à l'heure, était encombrée de papiers de décharge d'imprimerie, et qui, comme le salon, avait ses murs garnis de lithographies de toutes sortes, d'impressions en taille douce, de tableaux de réclame, de tous les spécimens que peut produire une imprimerie de gravure. Au milieu de la pièce, une forte presse à bras, comme celle qu'emploient les graveurs, se trouvait, gardant relevé sa vis sans fin de pression et ayant le tablier de support amené en avant, prêt enfin pour le travail. Dans le fond de la salle, derrière une table recouverte de serge verte, trois hommes étaient assis. Ces trois hommes portaient des cagoules rouges. Ils observaient la rigidité des statues. Leurs yeux, qu'on voyait luire à travers les trous de la cagoule, regardaient fixement, avec des lueurs de joie cruelles, les deux gentlemen français ligotés à terre. L'homme qui se trouvait au milieu de la table, entre les deux assesseurs, portait sur la poitrine deux galons d'argent qui rayaient horizontalement sa cagoule rouge. Il fit de la main un geste. Les hommes, qui, vêtus de cagoule noire, avaient transporté ici la Rochardie et son ami, les dressèrent, les mirent sur pied, les firent tenir debout. La Rochardie et Simonet échangèrent un regard terrible. Le doute pour eux n'était plus possible. Ils avaient compris dans quel guet-apens ils venaient de tomber et aux mains de quels terribles ennemis ils se trouvaient maintenant. Mais, très calmes, ils attendaient la suite de l'aventure, prêts à tous les événements, et se sentant de force à y faire face honorablement. Ils regardaient maintenant sans jactance, mais bravement et très sûrs d'eux-mêmes, les trois hommes devant lesquels ils se trouvaient. À ce moment, le souvenir de leur ami, le vaillant Paulin Broquet, traversa leur esprit. Mais ils pensaient en même temps qu'ici, à Londres, dans cette rue éloignée, dans cette maison inconnue, toute l'ingéniosité, toute la hardiesse du détective français ne leur serait d'aucun secours et ne pourrait les tirer de cette situation critique. L'homme à la cagoule rayée d'argent dit enfin ces mots en français. « L'un de vous, messieurs, va nous dire où se trouvent les documents que vous devez remettre aujourd'hui au ministre des Affaires étrangères anglais. » La Rochardie fit entendre un rugissement qui était pour l'instant sa seule façon de parler. Mais Simonet répondit d'une voix posée, avec cette grâce exquise et ce sourire de diplomate français. « J'ai le grand regret, monsieur, de ne pouvoir satisfaire à votre désir. » La cagoule au galon d'argent répliqua. « Dans ce cas, monsieur, votre ami probablement parlera pour vous. » Il ajouta, s'adressant aux hommes à cagoule noire, « Enlevez-lui le bâillon. » La Rochardie, une fois sa bouche dégagée au lieu de parler, comme il l'eût fait en toute autre occasion, partit d'un grand éclat de rire. « Je suis aussi désolé que mon ami, » ajouta-t-il ensuite, « de ne pouvoir vous être agréable. » L'homme au galon d'argent reprit. « Monsieur Simonet portait le document depuis Paris dans une ingénieuse poche, où certes, il faut le reconnaître, on ne pouvait avoir l'idée de l'aller quérir. Mais, comme vous vous rendez tous les deux actuellement au Foreign Office, et qu'il serait particulièrement choquant de l'extraire de cette poche devant le ministre anglais, ce document doit se trouver dans le portefeuille de l'un de vous deux. » « Veuillez me dire lequel de vous, messieurs, est porteur du document et me remettre cette pièce. Et si vous ne la portez pas sur vous, où elle se trouve en ce moment ?»« Je dois ajouter que nous n'en voulons nullement à vos personnes et que, bien que vous soyez amis de nos ennemis, nous n'avons affaire ni à M. Simonet, chef de cabinet du ministre des Affaires étrangères de France, ni au brillant capitaine de la Rochardie, mais simplement au porteur, quel qu'il soit de vous deux, de la pièce que je désire avoir. » Je conclus en vous affirmant qu'une fois que vous m'aurez mis en possession de cette pièce, vous pourrez vous retirer d'ici sans concevoir la moindre crainte. Simonet dit alors avec fermeté, « Nous ne vous dirons rien, ni mon ami ni moi, nous ne vous donnerons rien. » Ne m'obligez pas, messieurs, après avoir rendu hommage à votre courage, à employer certaines mesures qu'il me sera vraiment pénible de voir appliquer à deux gentilshommes français. Assez parlé sur ce point, nous ne dirons rien. J'ai des moyens que vous ne soupçonnez pas. De délier les langues les plus rebelles, et de faire parler les lèvres sur lesquelles il semble que des cadenas secrets soient posés. Encore une fois, messieurs, je vous en prie, épargnez-moi ce désagrément. Le temps presse, veuillez répondre à ma question. ce fut la Rochardie qui, de sa voix tonitruante, fit entendre ces mots. « Monsieur, le temps presse en effet. Il nous est fort désagréable à mon ami et à moi de nous trouver dans cette posture aussi incommode que ridicule. Simonet vient de vous affirmer que nous ne vous dirons rien, que nous ne vous donnerons rien. Vous devriez comprendre la signification exacte de ces paroles et avoir cette conviction que ni lui ni moi, malgré vos menaces, nous ne parlerons. Veuillez donc, sans perdre de temps, commencer à remplir la petite infamie que vous avez projetée pour essayer de nous faire commettre à nous une lâcheté. Vous verrez quel sera son résultat, mais dépêchez-vous. » L'homme à la cagoule barrée d'argent s'inclina. « Bien, monsieur. » Je m'attendais à ces fières paroles. J'étais sûr que vous les prononceriez. De même, je suis sûr que tout à l'heure, vous allez forcément me dire ce qu'il serait bien plus simple de déclarer tout de suite. Il fit un signe et désigna Simonet. La Rochardie intervint. « Pardon, monsieur, vous avez l'intention d'infliger un supplice quelconque à monsieur Simonet? C'est illogique, et ce serait du temps perdu inutilement. Pourquoi cela? Il vous est facile, en fouillant tout de suite les poches de mon ami, d'acquérir la certitude qu'il n'a pas sur lui le document et qu'il ne peut pas vous le remettre. Peut-être voulez-vous me faire entendre, capitaine, que c'est à vous, plus robuste, plus habitué aux exercices du corps, plus fort et plus endurant, en un mot, qui sauriez mieux vous défendre et plus facilement arriver au but, que M. Simonet a remis le précieux document? Vous qui savez où il se trouve? Vous me flattez, monsieur, mais je ne vous dirai rien. Cependant, capitaine, vous êtes beau parleur, vous avez une voix formidable. Pour commander peut-être, mais pour vous répondre non. C'est ce que nous allons voir. Il fit un signe et deux hommes en cagoule noire s'emparèrent de la Rochardie, le soulevèrent. « Arrêtez !» cria Simonet. « Qu'allez-vous faire au capitaine ? Ce qu'il aime par-dessus tout, le faire parler. Il ne parlera pas parce qu'il ne peut parler. Ce n'est pas lui qui est chargé de remettre ce document, c'est moi. Lui m'accompagne simplement en ami, en touriste, à Londres. Il n'est pour rien dans cette affaire. Et si vous le suppliciez, vous commettriez là sans profit une injustice, une cruauté, qui serait sans excuse et sans nom. » Ce serait d'une barbarie inutile. Le seul qui puisse parler, c'est moi. Moi, chargé par mon ministre, moi qui ai la responsabilité du document, moi seul, qui dois le remettre en main propre au ministre des Affaires étrangères anglais. C'est moi, vous dis-je. Veuillez donc laisser tranquille mon ami qui veut se dévouer pour moi. La Rochardie s'écria. Pardon, mon bon Simonet. Le bandit à qui nous avons affaire est mieux renseigné que tu ne le crois. Il a fouillé dans ta chambre au Cyril Hôtel. Il a trouvé la poche secrète dans laquelle tu as transporté le document. Il a vu que le document n'y était plus. Et comme il n'a pu fouiller chez moi, il n'a pu l'y trouver. Il sait que toi tu n'as rien et que moi je peux avoir quelque chose. C'est pour agir sur mon cœur d'ami qu'il essaye de te supplicier le premier. C'est pour m'arracher à moi l'aveu que les souffrances les plus cruelles ne te feraient pas dévoiler. Mais au fond il sait très bien que seul je puis, moi, satisfaire à son misérable désir. La lutte de générosité entre ces deux braves cœurs était vraiment touchante. Mais elle ne pouvait faire changer en quoi que ce soit la décision des terribles bandits devant laquelle elle se déroulait. L'homme à la cagoule barrée d'argent déclara, après un moment de silence, « Qu'il soit fait donc, comme le désire le capitaine de la Rochardie. C'est lui qui, étant le plus beau parleur du groupe, parlera. S'il ne parle pas, si la torture n'arrive pas à arracher la déclaration, il est probable que M. Simonet, pour faire cesser les souffrances épouvantables de son ami, se décidera enfin à faire cette révélation que nous tenons à entendre. » Tous les hommes en cagoule s'inclinèrent. L'homme au galon rayé d'argent étendit encore une fois le bras et dit « Faites !» Aussitôt, les cagoules noires de nouveau s'emparèrent de la Rochardie et le couchèrent sur le dos, l'allongeant sur le tablier de support de la presse lithographique. C'est sur ce tablier de support en fonte, formé d'une plaque unie et possédant une force de résistance inouïe, que l'on pose les pierres lithographiques, les planches à graver, qui doivent soutenir une pression de plusieurs centaines de kilos. Le tablier de support roule sur des galets et va se placer sous une forte planche à imprimer, le tablier d'appui, que la vis sans fin fait descendre, et auquel elle imprime une pression d'une force continue d'une centaine de kilos, grâce à la vis sans fin, manœuvrée par les leviers d'une roue mue à bras d'homme. Maintenant la Rochardie et Simonet comprenaient le supplice infernal auquel on voulait les soumettre. C'était l'écrasement impitoyable. C'était la mort appelée lentement, et qui ne pouvait arriver et terminer le supplice qu'après une longue et cruelle agonie. Ce devait être une torture effroyable. La Rochardie fut roulée avec le tablier de support jusque sous le tablier d'appui. Son buste seul portait sur le tablier, ses jambes pendaient et sa tête dépassait le plateau. Un homme donna quelques tours à la vis sans fin, et le tablier d'appui arriva jusqu'à la poitrine du malheureux, qui se sentit enserré comme dans les mâchoires d'un étau infernal. L'homme à la cagoule rayée d'argent dit alors « Vous comprenez, n'est-ce pas, le supplice qui vous attend ? Lentement, impitoyablement, votre poitrine va être pressée, broyée, vos os vont craquer, vous allez endurer une souffrance qu'aucun terme, dans aucune langue, ne peut définir. » La Rochardée répliqua « Dans aucune langue et dans aucun terme, malgré votre supplice, si terrible qu'il soit, je ne vous dirai ce que vous voulez savoir. » Comme il penchait la tête, ses yeux virent, accrochés au mur, une horloge ronde, un œil de bœuf. Il eut un sourire. Simonet saisit son regard. À son tour, il leva les yeux. Il aperçut l'œil de bœuf, et il comprit pourquoi le capitaine, au moment du supplice, avait eu ce sourire. À ce moment, trois ou quatre nouveaux personnages firent leur entrée dans la salle d'imprimerie, devenue une chambre de torture. Ces personnages, sauf un, portaient la cagoule. L'homme sans cagoule était un habit de ville. De taille au-dessous de la moyenne, mince, sa figure attira immédiatement les regards de Simonet et de son malheureux ami. Cet homme, vêtu avec la dernière élégance d'un parfait gentleman anglais, était un japonais. Le japonais se tint un peu en arrière des autres pour assister, sans vouloir y prendre part, à la scène qui allait se dérouler. Il eut un moment de silence dramatique. Puis, l'homme à la cagoule barrée d'argent, s'adressant encore au capitaine, lui demanda « Consentez-vous enfin à parler ?»« Non !» fut la réponse énergique de la Rochardie. L'homme à la cagoule d'argent se leva alors et se tint debout solennellement. S'adressant aux hommes en cagoule noire qui entouraient la presse, il dit « Donnez un tour de levier !» Comme l'un de ces hommes s'emparait du bras qui fait mouvoir la vis sans fin, dans le fond de la salle, une voix retentit, disant en français avec un accent épouvantable « Moi, moi, c'est moi qui vais manœuvrer le levier, c'est moi qui vais écraser cet homme sous la vis sans fin. » Et l'on vit entrer la bouquetière irlandaise, la femme au chapeau de paille, au fichu tricoté, à la jupe informe. Elle s'avança jusqu'au milieu de la salle, et s'inclinant devant l'homme à la cagoule orée d'argent, elle lui dit « Maître, je vous demande de me laisser goûter cette vengeance. » L'homme à la cagoule d'argent répondit « C'est bien, faites. » La vieille marchande Penny Abunch, alors ayant remercié celui qu'elle venait d'appeler maître, s'approcha de la presse à bras et se tint en face du malheureux capitaine. Alors, rejetant son fichu, son chapeau de paille, elle arracha ses cheveux, laissant tomber sa robe, et ce fut un homme roux, vigoureux et grand qui apparut, offrant le type le plus pur du Saxon. La Rochardie poussa un cri et il eut le vaillant courage de rire largement. « Tiens, c'est mon aveugle, celui à qui j'ai donné un bain chaud. » Avec son accent allemand, l'homme répondit au capitaine, ayant des éclairs de rage et de haine dans les yeux et cherchant un éclat de rire sardonique. « Oui, c'est moi que tu as baigné chaudement, mais maintenant c'est moi qui vais t'imprimer froidement. » Après cette sinistre facétie, l'Allemand retroussa ses manches, montra ses bras qui portaient la trace des brûlures de la baignoire et s'empara du levier auquel il donna une pression rapide. La plaque de fonte appuyait encore un peu sur la poitrine de la Rochardie, l'empêchant maintenant de respirer et activant par là même les battements de son cœur déjà fortement oppressé. « Halte !» commanda l'homme à la cagoule rayée d'argent. L'homme s'arrêta immédiatement. Simonet, dans le silence qui suivit, s'écria « C'est indigne ! Vous êtes de misérables assassins !» Il voulut s'élancer au secours de son ami, mais ligoté comme il l'était, il ne pouvait faire de grands mouvements, et deux poignes robustes le firent asseoir violemment sur un banc que l'on avait placé derrière lui. « Veuillez ne pas nous interrompre, monsieur !» dit l'homme en cagoule rayée d'argent, « ou je me verrai forcé de vous mettre le bâillon, qui tout à l'heure empêchait votre ami de se dépenser en crise inutile. » Et il dit au capitaine, d'une voix posée, comme pour donner de simples explications techniques, « Chaque coup de levier donné à la vis sans fin lui imprime, avec une force d'une centaine de kilos, une descente de 8 cm, mesure française. C'est vous dire qu'à chaque tour, le plateau appuiera sur vous de 100 kilos et tassera votre poitrine de 8 cm. En deux tours, votre sternum, déjà comprimé, rentrera en lui-même, vos côtes seront broyées. Vous n'aurez donc plus qu'à attendre que la mort ait pitié de vous et fasse finir vos épouvantables souffrances. Mais j'ai cet espoir pour vous, que vous comprendrez la situation, que vous serez raisonnable, et qu'avant le deuxième coup de levier, vous m'aurez donné l'indication que je réclame. » La Rochardie, qui déjà souffrait grandement, ne voulut pas répondre. et il eut ce courage héroïque de ne pas dire un mot. Il se contenta de sourire. « Vous avez 2 minutes, » lui dit l'homme en cagoule au galon d'argent, « pour répondre. » La Rochardie tourna la tête du côté de l'œil de bœuf et porta ensuite son regard sur le maître. Ne voulant pas y répondre, il se mit à siffler. Il siffla une des fanfares des trompettes de son escadron. Cet acte d'héroïsme et de gaie bravoure, de défi magnifique, étonna ces hommes, qui cependant devaient être habitués à tous les coups d'audace. Immobiles maintenant, ils attendaient le nouveau commandement du chef. Plus que tous les autres, l'Allemand impatient regardait les aiguilles de l'œil de bœuf poursuivant leur route inconsciente avec une lenteur pour lui désespérante, mais extrêmement douloureuse pour celui dont il était le bourreau. Simonet, maintenu par ses gardiens, accablé, pleurait. Il avait compris que toute protestation serait inutile. Il ne pouvait que plaindre son malheureux et héroïque ami. À mi-voix, se penchant vers lui, il lui dit « Laisse-moi parler. Je ne veux pas qu'on te torture. Je t'en prie, laisse-moi parler. » Et la Rochardie, cessant de siffler, lui répondit doucement « Merci, mon bon Simonet, je comprends. Mais nous accomplissons ici un devoir sacré. C'est notre honneur qui est en jeu. Laisse-moi mourir s'il le faut, mais ne parlons pas. » La voix du maître coupa la parole de l'héroïque capitaine. « Time !» dit-il. « Les 2 minutes sont écoulées. Voulez-vous parler ?» La Rochardie reprit son sifflet et fit entendre une nouvelle sonnerie de son escadron. Le maître étendit la main, et l'Allemand, faisant office de bourreau, avec un grognement sourd, appuya de toutes ses forces sur les leviers de la roue et fit donner un nouveau tour à la vis sans fin. Sous la douleur atroce, malgré lui, la Rochardie poussa un hurlement. Il remua la tête, imprima des secousses épouvantables à ses jambes flottant dans le vide, tandis que son buste demeurait immobile dans les mâchoires puissantes qui le tenaient et le broyaient. Simonet, encore une fois, voulut se dresser et se porter au secours de son malheureux ami, mais les rudes poignes l'abattirent et, comme il criait, on lui passa le bâillon qui l'étouffa à demi, et il dut, impuissant, terrifié, assister au supplice de son infortuné camarade. Le maître de nouveau demanda à la Rochardie « Voulez-vous parler ?» La Rochardie ne répondit pas. Il essaya de reprendre son sifflet, de faire entendre une autre sonnerie de son escadron, mais oppressé, le souffle lui manquant, c'est à peine s'il put tirer quelques notes de ses lèvres bleutées. Au coin de sa bouche, déjà un filet de sang commençait à couler. Impitoyable, le maître dit de sa voix qui tranchait dans le silence « Vous avez 1 minute pour répondre. » La Rochardie, qui se débattait toujours, ne pouvait plus maintenant réunir ses lèvres pour siffler, l'air manquant à sa poitrine. Il eut cependant assez de volonté pour jeter les yeux sur l'œil de bœuf, et malgré ses souffrances, il demeura dans son héroïque mutisme. « Faites !» dit encore l'homme à la cagoule au galon d'argent. L'Allemand bourreau, avec une joie féroce, s'empara des leviers. Il allait donner encore un tour à la vis sans fin. Ah, cette fois, la poitrine de sa victime serait broyée. Mais la Rochardie alors se tourna vers lui. Il lui cracha à la figure un caillot de sang avec dégoût et mépris, et il dit « Je vais parler !»« Stop !» cria vivement le maître. L'Allemand s'arrêta. Avec regret, il lâcha les leviers. Il essuya sa figure sur laquelle le sang du martyr coulait, et dans un rire d'hyène, furieux de voir sa victime lui échapper, il s'écria avec son accent grotesquement tragique « Ces Français, tous les mêmes, quand on presse un peu dessus, ils s'aplatissent !» La Rochardie, sans doute, n'entendit pas cette suprême injure du bourreau, car pendant ce temps les hommes en cagoule noire l'avaient retiré de la presse. On le mit debout, en face de la table des cagoules noires, et on dut le soutenir pour qu'il ne tombât pas à terre. Le maître, après un instant de silence, demanda au capitaine « Alors vous êtes bien résolu maintenant à me dire ce que je veux savoir ?»« Oui. » La Rochardie jeta encore un coup d'œil à l'œil de bœuf et répondit d'une voix haletante, brisée, mais joyeuse cependant « Oui, je vais répondre. Accordez-moi, je vous en prie. » Quelques secondes encore pour m'en remettre, et je vous dirai tout. » Il reprit sa respiration, brisé sous l'étau de la presse, reconquit, autant que cela lui était possible, les mouvements rythmés de ses poumons, puis lentement il dit « Vous voulez savoir où se trouvent les documents que Simonet détenait en venant en Angleterre? Que personne, soit dans l'attaque du train, soit sur le bateau, soit sur la ligne de New Haven à Londres, soit au Cyril Hotel, que personne, même celui que vous représentez ici, n'a pu découvrir? Vous voulez le savoir? Eh bien, je vais vous le dire. Écoutez. » À ce moment, l'œil de bœuf sonna lentement. La Rochardie compta les coups. 1, 2, 3, 4. Et il dit. En ce moment, à 4 heures précises, le capitaine Freddy de Montgomery remet en main propre, au ministre des Affaires étrangères d'Angleterre, dans le palais même du Foreign Office, le document que nous sommes venus apporter de la part du gouvernement français. Le maître, les cagoules rouges et noires et les autres spectateurs tressaillirent. L'allemand bourreau fit entendre un juron immonde. La Rochardie reprit « Vous êtes très fort, monsieur. Oui, Zigomar est très fort. Mais nous avons avec nous un homme qui s'appelle Paulin Broquet, qui représente la justice, le devoir et l'honneur. C'est grâce à lui que ces papiers, de l'importance que vous savez, sont arrivés à bon port. Il est 4 heures, les documents sont sauvés. Voilà la vérité tout entière. Nous ne pouvons plus rien vous dire d'autre, notre mission est remplie. Nous avons l'honneur, mon ami Simonet et moi, de bien vous saluer. » L'homme à la cagoule galonnée d'argent, ainsi que tous ceux qui l'entouraient, ne purent douter de la véracité de ses paroles, mais ils demeurèrent profondément atterrés. Il y eut un moment d'émoi et d'accablement, mais le silence qui suivit cette révélation fut interrompu brusquement par la sonnerie d'un poste téléphonique qui se trouvait accroché derrière l'homme à la cagoule rayée d'argent. Le maître s'empara du cornet acoustique, écouta, et presque aussitôt, se retournant, il donna un coup de poing sur la table, disant à ses hommes « Sauf qui peut, la police est dans la maison !» Il y eut alors un affolement général. On abandonna les deux prisonniers et chacun chercha la fuite vers l'issue la plus proche. Cependant, l'allemand bourreau, avant de s'en aller, se tourna vers celui qui l'avait martyrisé et lui dit « Je regrette de ne pas t'avoir achevé. » Il proféra une nouvelle insulte au capitaine, toujours ligoté, et il leva la main pour le gifler. Mais l'allemand n'abattit pas sa main. Il n'acheva pas la nouvelle insulte qu'il allait ajouter à son infamie. Il poussa un cri terrible de douleur et tomba à genoux sur le parquet, le bras tordu en arrière et brisé. Devant lui, le japonais, qui avait assisté à toute cette scène, immobile et impassible, s'était subitement dressé. C'est lui qui venait de s'emparer de la main levée, lui qui, au moyen d'une prise de jiu-jitsu, l'avait rabattu douloureusement en arrière, forçant ainsi cet homme, un colosse à côté de lui, à tomber à genoux devant l'officier français. Le japonais dit vivement à l'allemand « Vous pouvez martyriser cet homme puisque vous êtes un bandit, mais vous n'avez pas le droit d'insulter un soldat qui vient de montrer les qualités admirables de l'armée française, le courage indomptable et la bravoure la plus follement gaie. » Il releva l'allemand qui geignait et le poussa vers une des portes. « Allez-vous-en » dit-il. Alors il revint la Rochardie et tirant son chapeau, il lui dit « Capitaine, recevez l'hommage d'un frère d'armes qui sera fier d'avoir accompli un acte d'héroïsme pareil au vôtre pour le service de sa patrie. »